11e section, laisse LK la ghetto rockstar, nocif à la prod. En 2011, c'est comme en 2008. J'ai toujours un mal de crâne, donc je me tiens loin des flics et des minettes. Moi, je suis pas débile, pour nous, c'est mort la carrière d'Eminem. Lève ton verre en 2011, c'est comme en 2008. Juste pour les statistiques, 11ème section, c'est au moins 2008. La roue a pas tourné car j'ai toujours la même vie. Connu dans ma ville, mais pas comme Elvis Presley à Memphis. J'ai tué l'espoir à coups de guitare pour ne pas que mon cœur bloque. Posé dans le bloc, canette de Chirico, des t-shirts pour le cœur brosse. J'ai pas quitté le navire, même si j'ai fini à l'eau. Je rêve de l'instru parfaite, c'est peut-être pour ça que je passe d'un vinyle à l'autre. À deux doigts de péter le score, de tuer la prod. C'est le coffre, faire du son la musique un peu comme un démon qui perd ses cornes. Marine du Chanel gratos pour ton frère, c'est pas les soldes. On arrache le bitume pour ton frère, mon équipe, c'est pas les sols. Blasé de la vie, j'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Plus d'amour à deux doigts de me mettre avec une pute sur Facebook. Indispensable comme un quarterback. Depuis que je squatte le mic, à deux doigts de partir en freestyle, un peu comme Walter White. Quoi que je fasse, mon sourire passe pour une faiblesse. Ne crois pas que je craque, j'ai toujours des phases de taille. Sous une détresse, m'obscurcis par les vices. Rencontré à bientôt la cirrhose. C'est vrai qu'on tisse sans compter. On n'a pas de bif dans le comté, peint du seul tour. Comme un aveugle, vous saurez que j'ai que mes yeux pour pleurer. Si les putes veulent nous leurrer, on s'improvisera volatile. Les cas de matière, mais notre avenir pilote pas les roues crevées. Merde, je veux partir loin des teams en bas, ma team en bave. Gros, ça se mine en masse et je crie d'angoisse quand le silence parle. Gros, scriptophile, faut toujours plus d'une trilogie. Marine grossit salement comme abuser d'une fillotine. Non, je suis pas ce fils prodige que rêvait d'avant mes parents. À deux doigts d'avant du talent, mais mon discours reste inaudible. Qu'est-ce que je voudrais faire? C'est avoir du blé ou un truc que tu veux beau? Un truc que tu gagnes des loves? Savoir s'il y a plus moyen de trimer, s'il y a plus de boulot, plus à bouffer. De faire la queue. À deux doigts disparaître, cous, on revient et kick sa mec. Les petites lamettes, ouais, t'as jamais vu des types pareils. J'avoue que ça lime la plaie, dis sa mère et kiffe la verte. On est de ceux qui posent, ouais, mais pas de ceux qui disent la merde. C'est le retour des 4 MC, faites place aux 4 speed qui crament des sbires, lac des lignes, au lieu de se gratter le chip. On est venu pour rafler le titre, laisser une trace et brasser le fric, écraser le king et quitter vite les acédiques. Mais pour l'instant, cous, comme tout le monde, j'encaisse la crise, en fait ma vie. Je suis à deux doigts d'en faire un livre, depuis le temps que ça taffe, mec. J'ai que des soucis à ta fenêtre, j'dis pas que j'en bave, master, si j'aurais pas mon pauvre merde, à deux doigts de me faire la malle. C'est pas ici que je ferai de la maille et ça pue la merde. Comme une pénétration anale, je demande pas la lune, juste un nid douillet comme David. On m'a trop couillé dans ma vie, je veux pas couler comme ce navire. J'suis à deux doigts de péter les plombs, c'est 60, ils m'ont ou pèse. Donc je suis gentiment sous zèbre à voir les gens qui m'entourent, frère. Ouais, on en quittant de bouteille, sans faire les novices gars. Entre coups de plaine et chaud de fistard, c'est la pétante des grosses histoires. Si la chance fait profil bas, je vais pas te mentir, ça part en prix. Les parents crient, c'est navrant fils, parce qu'on pédale sans galanterie. 2011, y'a pas le temps de les regarder. Tous ces stars qui se ça se prend pour Harry Callahan ou même pour des starfistons. Toujours têtu et gros râleur un peu comme Don Camillo. Même quand la poisse me colle au cul et me fout tout droit dans le caniveau. Les mômes ça cache trop l'histoire, mais gars faut assumer l'enjeu. Bah ouais y'a pas de fumée sans feu, pour ces bonnes races à vomir le soir. J'ai que des phases abominables, pas là pour assurer le chanceux. Mais pour abuser l'envieux qui se prélasse à l'audimat. J'ai plus que des rimes et quelques niaques dans mon sac à dos pas. Car c'est la guerre dans toutes nos têtes d'avoir ces tas de marmots qui se tapent. J'serais bourreuse si je ferais pas son honnête. Je vais les faire frétiller moi les gars. J'enculerai la vie avec la haine dans les yeux. J'enculerai la vie avec la haine dans les yeux. Et comment tu causes toi, Pinocchio? Ils ont dit que t'as appris à causer comme ça, toi. Oh. Mets ta flèche, bonhomme, où tu vas.